la perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS 13 par vous-même, à la Fnac et sur Dell.fr. Dell recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le néo-réalisme italien a été un grand moment de l'histoire du cinéma. S'il domine la production italienne de l'après-guerre jusqu'au milieu des années 50, il n'est pas né du jour au lendemain. Comme on peut le découvrir dans le troisième épisode de Cinéma sous les branches consacré au cinéma italien, il pointait déjà dans des films qui proposaient, à une Italie encore fasciste, une autre manière de faire que celle qui avait dominé les années 30. Qui en fut l'initiateur? Dès 1942, avec le tournage d'Ossessione, Visconti ouvrait la voie que suivront Roberto Rossellini, qui en deviendra le chef de file avec Rome ville ouverte et Paisa, ou De Sica et son complice Cesare Zavattini avec Chouchia et le voleur de bicyclette, et aussi De Santis, La Toada et d'autres. Mais qu'est-ce que le néo-réalisme? Pourquoi ce nom? D'où vient-il et comment le caractériser? Autant de questions auxquelles s'appliquaient à répondre les Nuits magnétiques en 1980. Cinéma sous les branches, séquence 3, le néo-réalisme. Par Roland Auguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Claude Belli, Enrico Fulchignoni, Francesca Isidori, Gérard Legrand, Aldo Tassone, Daniel Toscan du Plantier. Il y a une très importante actuellement volonté d'approfondissement de cette période obscure qui a été l'époque du fascisme et l'époque du début du néoréalisme. Beaucoup de simplifications qui avaient été conduites en Italie, à l'étranger, maintenant sont éliminés en faveur de quelque chose de beaucoup plus approfondi, de plus serein et de plus clair. Il y a des livres qui sortent depuis maintenant 4 ou 5 ans sur la base de la stimulation qui est venue d'un festival important qui a lieu en Italie, qui est le Festival de Pesaro, qui est un festival très intéressant parce qu'il n'est pas seulement une série de présentations de films, mais surtout la rencontre d'une série d'historiens du cinéma qui se penchent sur des thèmes précis d'année en année et qui donnent lieu à des publications très sérieuses, très fouillées, très intéressantes. Et c'est à partir de là que les nouvelles histoires du cinéma, justement, se sont penchées sur cette époque, sur l'époque du fascisme. Et alors, on a découvert ce phénomène, je vous le dis en deux mots parce que ça me paraît la chose essentielle. On a découvert ce phénomène étrange qui fait que pendant cette époque, pendant ces 20 années, ce qui a dominé au point de vue de la propagande était surtout la presse et la radio, mais que le cinéma a finalement, d'une manière très étrange, échappé à cette sorte de contrôle, cette sorte d'emprise. Tant et si bien que les metteurs en scène qui sont sortis, les jeunes metteurs en scène qui sont sortis tout armés au début de l'époque du néoréalisme ne sont rien d'autre que le fruit de ce qui avait été des étudiants et des journalistes de cette époque, des réalisateurs, des jeunes réalisateurs de cette époque. Ce qui fait que donc il y a eu là une sorte de zone non contrôlée et qui est celle du cinéma justement, qui a permis la naissance et la formation de ces metteurs en scène qui ont finalement donné lieu au chef-d'œuvre de l'époque néoréaliste. Le néoréalisme n'est pas né du jour au lendemain, et je crois qu'il est important de noter qu'il y a toujours eu en Italie un courant néoréaliste, ou plus précisément une impulsion de la part des cinémas italiens à montrer la réalité, à montrer la vie quotidienne, à montrer la vie populaire. Alors évidemment, avant 1940, on peut dire qu'il y a très peu de films qui s'inscrivent d'une façon nette, d'une façon évidente, dans la vie populaire italienne. Avant, c'est plutôt le règne des superproductions, c'est plutôt le règne des péplums, du style Les Derniers Jours de Pompéi, du style La Chute de Troie, c'est aussi le règne des stars, c'est aussi le règne de la comédie psychologique, et encore, le mot psychologique est peut-être un peu fort, mais disons ce que l'on a appelé le cinéma des téléphones blancs, c'est-à-dire un cinéma de riches, un cinéma où l'on voit les gens dans les salons qui parlent et qui ont des conflits très loin du peuple finalement. C'était un petit peu le cinéma italien que l'on voyait surtout jusqu'aux années 40. C'était aussi un cinéma encouragé par le régime, puisque le régime mussolinien aurait vu d'un très mauvais œil les problèmes du peuple, les problèmes sociaux étalés sur les écrans. Et cela dit, il y avait pourtant quelque chose d'autre que ce cinéma-là. Au-delà des idylles tragiques, au-delà des passions délirantes, au-delà de ce cinéma romanesque et de ce cinéma pleurnichard, même mélodramatique au mauvais sens du terme, il y avait quelque chose qui faisait que les Italiens étaient sensibles à une certaine odeur de réalité. Ils l'ont toujours été, je crois. Alors, citons des exemples, si vous voulez, il y a un film muet qui s'appelle « Perdu dans les ténèbres », un film de 1914, qui est déjà l'amorce de ce que sera le néoréalisme. En 1934, un cinéaste que l'on retrouvera par la suite, qui s'appelle Alessandro Blasetti, va faire un film engagé, je crois que le terme s'impose, qui s'appelle « 1860 », sur Garibaldi. Bon, encouragé plus ou moins, là encore, par Mussolini pour des raisons ambiguës. C'est à peu près tout. On peut encore citer, si, un précurseur du néoréalisme, qui est le film « Piccolo Mondo Antico » de Mario Soldati. Mario Soldati a un statut très particulier. C'est un très grand romancier italien qui vit toujours aujourd'hui, qui écrit de très beaux livres, et qui sentait bien que le cinéma devait s'orienter vers la réalité et ne pas se contenter, encore une fois, de raconter des histoires de salon et des histoires poussiéreuses, etc. C'est à peu près les trois seuls films, je crois, que l'on peut citer. Le cinéma de téléphone blanc, c'était une mauvaise copie avec des moyens beaucoup plus modestes du grand cinéma hollywoodien. Alors, le grand modèle, c'était les divas américaines. Donc, toute actrice italienne de l'époque se croyait obligée à avoir des cheveux platine. Et c'était un cinéma très facile qui racontait l'histoire de secrétaires et de leur ascension sociale jusqu'au téléphone blanc qui était le symbole d'une certaine réussite, d'un certain mythe petit bourgeois. Alors... à côté donc de ce cinéma-là, il y avait le cinéma plus triomphaliste, ouvertement de propagande du régime de Mussolini, qui d'ailleurs s'est intéressé au cinéma assez tard. Le cinéma n'avait pas une grande importance directement, si vous voulez, dans la première période du fascisme. Il présentait une image d'Italie souriante, triomphante. C'était l'Empire romain qui renaissait. Et c'était bien sûr une image d'Italie très, très unie. C'était une image d'Italie tout compte fait en carton-pâte, comme certains décors du cinéma d'époque. Argentina. economicissimo combattente del leader socialista non è tolto alla vita! Ma ti sembra? Hai un sacco di cose da dirmi, no? Niente, era quella storia della roccia. E tu che c'è? L'avevo chiesto io, la signorina Giovanna, ma lei l'ha data a te, hai capito? En réaction contre cela, et dans des circonstances assez bizarres d'ailleurs, un certain nombre de cinéastes ont essayé de faire des films ou d'introduire dans leurs films des éléments qu'on peut déjà qualifier de néo-réalistes, c'est-à-dire simplement, ils ont essayé de parler davantage des véritables problèmes qui pouvaient occuper les Italiens à l'époque. Je parlais de circonstances bizarres car un certain nombre de ces films ont été faits sous l'égide même du cinéma mussolinien grâce à un homme qui s'appelle toujours Alessandro Blasetti, qui était à la fois membre du parti fasciste, superviseur de la production de Cinecittà à certains égards, et qui en même temps, d'abord parce qu'il était violemment anti-allemand et anti-nazi, et aussi parce que probablement il prévoyait l'avenir, a couvert de son autorité les essais d'un certain nombre de cinéastes qui ensuite se sont révélés être des résistants. Le centre expérimental de Rome a été paradoxalement un centre de occulte de résistance au fascisme. Et lui-même, dans ses films, cédant à son propre tempérament, qui n'avait rien d'un tempérament de politicien ou de fanatique du régime en réalité, a, dans un petit nombre de films, comme « Quatre pas dans les nuages », introduit des notations qui, à distance, sont apparues comme les signes annonciateurs, en effet, d'un souci plus grand de coller à la réalité italienne. Dal pincio al Vaticano non c'è più un lupo sano. Nell'aria non c'è tenera. Alors voilà ce qui se passe, c'est qu'en 1935, en pleine période fasciste, est créé le Centro Sperimentale de Rome, un centre qui est un petit peu l'équivalent, si vous voulez, de ce qu'est l'IDEC, mettons, pour les Français. L'influence de ce centre va être déterminante. D'abord, des jeunes critiques vont se regrouper dans ce centre. Les conflits mondains, les pompeuses reconstitutions historiques commencent déjà à lasser le public. La littérature italienne qui est en faveur à l'époque, c'est la littérature de Giovanni Verga, qui est une littérature très vériste et très, très près du peuple. Tout cela, et puis il faut bien le dire aussi, une idéologie antifasciste qui est en train de se dessiner. Donc une idéologie, si vous voulez, contre le cinéma à la mode, contre le cinéma officiel, va donner naissance à autre chose. Plus exactement, va faire en sorte que les jeunes cinéastes italiens, et aussi je pense les cinéphiles italiens, vont avoir envie de se tourner vers la réalité, de se tourner vers le peuple. Alors cela va commencer bien avec Visconti. C'est Luchino Visconti qui, le premier, en 1942, 41-42, va faire un film qui s'appelle Ossessione. Alors ça, c'est le grand début du néoréalisme italien. Et il est très curieux de remarquer que Ossessione, tout en étant le premier film vraiment réaliste tourné en Italie, emprunte d'une part à l'Amérique, puisque Ossessione est tiré d'un roman de James Ken qui s'appelle Le facteur sonne toujours deux fois, et d'autre part emprunte au cinéma français d'avant-guerre, c'est-à-dire au cinéma de Renoir, dont Visconti a été assistant, au cinéma de Carnet, au cinéma de Duvivier. Eh bien, ce double héritage, la littérature américaine criminelle d'une part, le réalisme poétique français d'autre part, va donner naissance à un film qui est totalement, purement italien, et qui nous montre quoi? Qui nous montre la vie des pauvres en Italie, les petits garages, les petites places de village, les difficultés qu'ont les gens à vivre, à survivre, les rencontres de hasard au bord des routes, la plaine du Po, enfin tout un décor, tout un contexte italien, les chansons naturellement, les beuveries aussi, enfin toute une ambiance qui est une ambiance typiquement italienne. Le bel canto même, enfin disons, tout un terroir, tout un folklore italien que Visconti va mettre dans son film, tout en affirmant aussi son tempérament propre et son style propre. Alors Ossession va avoir un succès énorme, un succès qui ne sera pas immédiat parce que la censure va s'en mêler. C'est un film qui par ailleurs sur le plan, ça je crois que c'est important de le dire aussi, sur le plan des rapports sexuels, sur le plan des rapports physiques, amène quelque chose de beaucoup plus que tout ce qu'on avait vu auparavant. C'est-à-dire que l'amour dans Ossession est montré de la façon la plus crue qui soit. Et ça fait partie du réalisme, ça. Le réalisme italien est un réalisme de la chair, un réalisme de la peau. Pas seulement un réalisme du décor et un réalisme social. Bien. Alors, la censure va s'en mêler. Le film va avoir des difficultés à sortir à l'étranger parce que Visconti et ses collaborateurs n'ont pas les droits de l'adaptation, enfin je passe sur ces détails. Le film sortira en France beaucoup plus tard, mutilé, incomplet, sous un titre ridicule, sous le titre Les Amants Diaboliques, mais peu importe. Malgré cela, Ossession va avoir un impact considérable sur tout le cinéma italien. Et nous sommes encore en guerre quand le film est fait et commence à être montré, mais on peut dire que tous les cinéastes vont être profondément marqués par ce film. Ce sera Roberto Rossellini, ce sera Vittorio De Sica, ce sera Alessandro Blasetti, ce sera Giuseppe De Santis, Carlo Lizzani, Alberto Lattuada, Aldo Vergano, pratiquement tout le monde. Tous les cinéastes italiens vont considérer Ossession un petit peu comme le porte-drapeau d'un nouveau cinéma. J'ai toujours considéré le problème de l'Italie du Sud comme l'une des principales sources d'inspiration de mon œuvre. Je dois souligner que je l'ai découvert grâce à une révélation purement littéraire, les romans de Verga. Cela est arrivé au cours des années 1940-41, quand je préparais Ossessione. Parmi les romans italiens, la seule école narrative où je me sentais capable de trouver l'inspiration au moment de commencer mon premier film, où en dépit du fascisme j'affrontais un thème lié à la vie contemporaine, était en réalité celle de Verga et de son roman « Imala Voglia ». J'étais même attirée, à l'époque, par ce dernier roman qui aurait pu être le sujet d'un film. Puis vint la guerre, et avec elle la résistance, ce qui signifia pour un intellectuel comme moi la découverte de tous les problèmes de l'Italie en tant que problème de structure sociale, aussi bien que d'orientation culturelle, spirituelle et morale. Les différences, les contradictions et les conflits entre le Nord et le Sud commencèrent à me fasciner au-delà du charme naturel que tout homme du Nord comme moi ressent d'instinct pour le pays et les îles situées au sud de Rome. Pour moi, ce pays était aussi inexploré qu'à l'époque où Garibaldi et ses mille y débarquèrent. L'écrivain Vittorini a déjà jeté un cri d'alarme avec son livre « Conversation en Sicile ». La veine mythologique que j'avais trouvée chez Verga ne me parut plus d'actualité. Je ressentais un besoin impérieux de découvrir les fondements historiques, économiques et sociaux sur lesquels ce drame du Sud avait été construit. En lisant Gramsci, je découvris la vérité qui attend toujours d'être dévoilée. Visconti. La source du mouvement néoréaliste déjà à l'origine était la mise en évidence des luttes sociales. Par exemple, Visconti était un des plus sensibles à son origine politique en justifie justement la polarité, cette sorte de vocation. Il s'était occupé déjà à l'époque encore antérieur à La Terre tremble, à l'époque d'Ossession. Comme vous le savez, c'est une des œuvres capitales du néolisme. On dit même qu'elle est peut-être la toute première. Enfin, là, le problème est à débattre. Mais là aussi, dans Ossession, elle s'était occupée d'une partie de l'Italie du nord-est, qui est une partie qu'il a pratiquement très très bien décrite et dans le cadre duquel la trame individuelle se développe, mais toujours avec une très bonne mise en évidence des structures sociales qui entourent le protagoniste. Cette volonté de ne jamais laisser l'ensemble du cadre de l'action à une communauté qui est une communauté très bien analysée avec ses drames, ses problèmes, etc., est une tendance caractéristique du néoréalisme. Il faut bien dire que chaque fois qu'ils peuvent le faire, ils s'en occupent d'une manière précise. Il suffit de mettre quelques répliques pour témoigner d'une situation qui est une situation tout à fait précise au point de vue sociologique. Vous comprenez, chacun de ces films-là, ce sont des films où les figurants ne sont jamais des figurants neutres, des figurants transparents. Il y a toujours, dans ce qu'ils disent, le témoignage d'une souffrance, le témoignage d'une lutte, le témoignage d'un état de polémique, qui justement montre l'attention que les gens du néoréalisme donnaient au social. Et cette volonté de le décrire devient alors un vrai programme, par exemple, chez les cinéastes comme De Santis ou comme Visconti, qui sont des gens qui se posent justement en priorité le problème de la description plutôt d'une société que de cas individuels ou de faits divers. Je crois que on peut nettement souligner la nature du néoréalisme en accentuant son caractère, sa vocation à la socialité. La plupart de ces metteurs en scène, les plus jeunes de ces metteurs en scène, s'étaient formés ou dans les cadres universitaires, comme par exemple Lizzani, comme par exemple Visconti, comme par exemple Antonioni plus tard, etc. C'est tous des gens qui s'étaient formés d'une manière tout à fait lente et précise grâce aux informations qu'ils avaient eues pendant le fascisme des œuvres des metteurs en scène soviétiques comme Poudovkine, comme Eisenstein, etc. C'était une lecture qui les alimentait quotidiennement au centre expérimental et aux universités et qui leur donnait la possibilité à un certain moment de s'occuper de cet élément essentiel qui était la prise de conscience d'une société. Grâce à l'exemple, par exemple, de ces écrivains du cinéma soviétique. Et d'autres aussi, également, se sont toujours penchés même les plus anciens, comme Blasetti, par exemple, qui avait, pendant le fascisme, produit toute une série de films intéressants. Il s'était penché sur la situation des groupes sociaux, sur la situation, sur la souffrance d'un certain prolétariat, etc. Alors, ce qui est passionnant de voir, c'est que même pendant le fascisme, parce que l'élément caractéristique, là, c'est une des découvertes des historiens du cinéma récents, finalement, qui ont pu voir tous ces films, qui ont pu examiner de manière systématique les œuvres produites à cette époque, ça a été de voir que pendant le fascisme, le souci social existait, évidemment. Il existait de la part des cinéastes, mais il se penchait de manière particulière sur une partie de la classe, des classes sociales italiennes, c'est-à-dire sur la frange qui sépare la petite de la moyenne bourgeoisie. Alors la plupart des œuvres sont comme celle de Camerini, par exemple. Camerini, metteur en scène très très important, qui a découvert des sites, etc., enfin, dont on pourra parler, par exemple, tout à l'heure, traiter des conditions de la condition sociale d'une petite bourgeoisie ascendante qui était en partie responsable du fascisme, mais en partie aussi témoin finalement de l'emprise successive de cette structure politique et qui réagit d'une manière différente et qui, jusqu'au moment où, à la guerre, finalement, elle assume nettement la défense et la mise en évidence des problèmes des classes déshéritées. En 1947, Rossellini recevait l'Oscar pour Rome, ville ouverte. Un homme et une femme qui n'ont pas peur devant la caméra, Gino Cervi, premier prix d'interprétation masculine, et Anna Magnani, nommée l'actrice la plus intelligente de l'année pour Rome, ville ouverte. Sergio. Sergio. Sergio. Vedi? Qui in alto, dietro la grata. Sì. Ascolta bene, Yolanda. Sì. Stai bene a sentire, Violanda. Forse abbiamo pochissimo tempo. Stai a sentire bene? Sì, tu sei. Senti, qui siamo in molti. Ci sono qui dei ragazzi che hanno scritto dei biglietti. Sono stati presi, le loro famiglie non sanno nulla. Hai capito? Ma... ecco, dei biglietti per le loro famiglie. Cerca di prenderli e portali alle famiglie. Dove ti portano a te? Dove ti portano? Signor, ricordatemi. Mi raccomando, signor. Come sapri? Ma credo che adesso andrà tutto bene, sai? Aspettami, tu, Yolanda. Credo che tutto andrà bene adesso. Va bene. Aspettami, No, cara. No. Sergio. Aspettami, amore. Sergio. Sergio. Yolanda. À partir de là, on va voir naître un mouvement avec les deux grands films de Rossellini, Rome, ville ouverte, en 45, enfin qui sera tourné dans les derniers jours de la guerre, et puis Païsa. Ces deux films, Rome, ville ouverte et Païsa, on peut dire d'un mot que c'est vraiment la descente dans la rue du cinéma italien, encore plus même que l'avait fait Visconti, puisque Rossellini va tourner. Tout le film sera tourné dans les rues, entièrement à Rome, avec des amis de Rossellini, avec des anonymes, des interprètes non professionnels. Il y a Anna Magnani, certes, mais Anna Magnani n'est pas encore la grande star qu'elle deviendra par la suite. Il y a Marcello Pagliero, qui est un ami de Rossellini. Ce film raconte les derniers jours de la guerre, la résistance en Italie, la souffrance atroce du peuple italien, les enfants, puisque Rossellini est très sensible à cela, les enfants qui voient, qui sentent la guerre, qui répercutent la guerre d'une façon assez atroce, la mort d'un prêtre et les tortures naturellement infligées aux résistants, notamment aux résistants communistes qui sera affreusement torturé. Et Rossellini tente à montrer dans Rome ville ouverte quand même quelque chose, c'est pas simplement un tableau, un documentaire. Rossellini tente à montrer que en Italie, les idéologies se rencontrent à un moment donné ou s'annulent à un moment donné face à une situation particulièrement atroce qui est la guerre. C'est-à-dire que le communiste et le prêtre participent au même combat. Ensuite, il fera Païsa. Alors, Païsa est un film qui est tourné dans plusieurs villes italiennes et qui montre les différentes réactions du peuple italien, là encore, face à la guerre. Alors, ce sont des paysans dans la plaine du Pô. C'est un jeune couple à Florence qui passe à travers les lignes ennemies. Ce sont des prêtres dans un petit monastère qui ressentent la guerre aussi à leur manière. C'est un soldat américain qui est dévalisé par un gosse et qui prend aussi qui prend conscience de ce qu'est la vie italienne, et encore deux ou trois autres sketchs. Païsa, c'est le cri de souffrance d'un peuple opprimé, d'un peuple martyr, qui est admirablement filmé par Rossellini. Là, entièrement des interprètes non professionnels. Pietro Pellegrini? Già. Desidererei parlare? Sciacquati. Allora io vado, ecco. Sì, sì. Che vuoi raccontare? Allora sarebbe meglio... aspettate un po'. Sì, sì, sì. Francesco! avait toujours une vision, disons, humaniste, pluridisciplinaire, dans laquelle le cinéma n'était que le mode d'expression. Il ne comprenait pas pourquoi le cinéma se vivait comme cinéma. Le cinéma, c'était seulement les moyens de représenter tout le reste. Et que dans cette espèce de culture encyclopédique qui était la sienne, il y avait une passion dévorante de diffuser le savoir et la culture, pour lequel le cinéma était un instrument privilégié parce qu'universel et instantané. C'était ça l'idée, les clés. Le cinéma ou la télévision, puisque pour lui c'était la même chose. Rossellini a fixé, j'allais dire, moi j'ai une opinion personnelle sur Rossellini, n'est-ce pas ? Mais l'étonnant d'ailleurs, c'est que il y a 4-5 ans, elle était, je crois, beaucoup plus controversée qu'aujourd'hui. C'est que je pense qu'avec Rossellini, on saisit probablement le personnage le plus important. C'est pas que le problème n'est pas de savoir si Rossellini a fait des plus beaux films que Visconti, que De Sica ou que Fellini. Après, non. Je crois que l'avantage chez Rossellini, c'est la conscience de ce qu'il faisait. C'était un chef de file. C'était un maître. Avec Rossellini, on a bien le sentiment que Jacques Rigaud disait justement, lui qui l'a connu la dernière semaine de sa vie à Cannes, pendant ce colloque sur la responsabilité sociale de l'audiovisuel, vous notez qu'osé à Cannes mettre en même temps les mots responsabilité sociale et audiovisuelle, c'est prendre un risque physique, puisque c'est le lieu de l'irresponsabilité, de la sociale. Quant au mot audiovisuel, tout le monde sait que ça n'existe pas, puisque Cannes ne croit qu'il n'y a que le cinéma. Et c'est vrai que c'était quelque chose de fou. Il avait invité Jacques Rigaud, à l'époque aux fonctionnaires et maintenant patron de RTL. Il l'avait invité comme étant un des fonctionnaires qui avait la plus grande connaissance de la culture, c'est qui est bien mon avis. Et je me souviens que Jacques Rigaud m'avait dit, après la mort de Roberto, m'avait dit, mais c'était un personnage presque évangélique. Et c'est vrai que ça avait quelque chose de fou, n'est-ce pas ? C'était moi qui l'avais poussé à Cannes. Je ne le regrette pas, en même temps que je sais bien que la crise cardiaque qui l'a terrassé 5 jours après la fin de Cannes était quand même certainement une espèce de rupture interne à lui-même, physiologique, entre ce qui se passait et ce qu'il voulait. Hein, et que toute sa vie avait été faite cette tension, et qu'en mettant Rossellini à Cannes, je faisais à la fois la tension plus vive et plus brutale, et même tellement brutale qu'elle lui était fatale, mais en même temps, je crois que c'était cette brutalité, cet affrontement et cette mort donnaient une espèce de dimension de témoignage qui fait que, par exemple, depuis, Cannes n'est plus tout à fait le même. Le mot néo-réaliste, vous savez, lui-même pensait qu'il fallait le manier avec beaucoup de soin. Hein. Quand on lui disait, oui, mais alors l'idée de tourner dans les rues, ce à quoi il répondait, bien, évidemment, c'était la guerre et les studios avaient brûlé. Hein. Je veux dire qu'ils ne sont pas réunis un matin en se disant, dis donc, les enfants ont fait le néo-réaliste, ça c'est venu après, n'est-ce pas ? Ils ont tourné comme ça, avec des bouts de ficelle. Vous savez, Rome-Ville ouverte, il y a encore on se bat dans les rues de Rome pendant qu'on tourne dans Ville ouverte. Il y a des scènes qui sont au bord de la. Où on utilise le passage de la fiction à la réalité est si proche que c'est un reportage. Hein. Bon, je crois que c'était surtout un rapport à la réalité que tel néo-réalisme. Ha visto che ce l'ho sta bene? Sta un po' di cervello. E fra qualche anno tornare pure a guidare l'automobile e ci porti a spassi in automobile. A sabotana? Nel bar! Vedrai chi ti fa diventare tua madre. E fa invidiata a tutti! I signori sono tutti stupidi. Non li posso vedere si vede papà, perché c'hanno un po' di ganza coscia se non esse qualcuno. Allora, carogna, ma che sei comunista te? Ma io mica andiamo d'accordo, sa? Se te butti a far compagno, se te metti con quei morti di fame. Tu l'avevo pensato come lo penso io. Guarda come te li ho saputa. Passa qua la macchina, fai vedere chi sei, dai la stracciata! Si fida la mignotta, strigno, non mi fai una passata! Cattivo! Ettore, dove vai? Vieni con noi a Sono Lui, stai tranquilla, siamo tutte cadute! Lo vedi quando uno non lavora, che bella vita che fa! Ma chi te l'ha fatto fare da una via da là? Tutto il giorno in giro, come un'anima persa! Ma che farai per strada? Almeno quando lavoravi eri padrone della saccoccia tua. Scommetto che c'hai manco una lira. Su, più di ste 1000 lire che te dà mano. Non mi servono i soldi tua, i soldi mi sono guadagnata solo. Ah, ma ricordati che tutto quello che sei fa una madre viene tutto rifatto. Te vergogni per niente di quello che fai, eh? Brutto vagabondo senza cervello. Manca un po' d'amor proprio, c'hai. Incosciente! Derrière la Terre tremble, il y a l'immense écrivain italien qui est Verga et qui a écrit dans Les Malavoglia finalement le schéma, la charpente de la Terre tremble. Il est évident qu'il s'est inspiré à ses écrivains, aux écrivains de cette époque, et non seulement à Verga, mais à Capuana, des autres écrivains réalistes de la fin du siècle passé qui avaient justement mis l'accent sur les conditions de vie de cette classe sociale et que les pêcheurs contre, par exemple, les exploitants, les exploiteurs, par exemple, ou bien contre les, la nécessité de création de coopératives, etc. Tout ça était très timide, disons, à la fin du siècle. Mais là, Visconti a repris ce thème du roman, et il a élargi. Mais finalement, chez lui, l'accent portait surtout sur la nécessité de décrire une situation contemporaine, vous comprenez? Parce que, bon, pendant le fascisme, il y a eu une école qui s'appelait l'école des calligraphes. Cette école des calligraphes est une école intéressante parce que elle témoigne d'une volonté de se rapporter aux œuvres littéraires, aux romans, par exemple, au roman de Manzoni, au roman de Fogazzaro, qui sont des écrivains là aussi de la fin du siècle. Mais là, l'accent était mis, était porté surtout sur cette possibilité de ne pas traiter des thèmes du fascisme en se réfugiant dans une époque qui n'était plus la nôtre. Et alors là, c'était des films d'évasion, c'était des films de calligraphie, c'est-à-dire des beaux films, des films très soignés, des soldats, et en était peut-être Mario Soldati, le chef de file. Mais alors là, dans cet aspect-là, il y avait un refuge, il y avait une sorte d'abandon, il y avait une évasion dans la recherche du roman qui servait de guide à la construction d'une histoire cinématographique. Tandis que après 1944, l'utilisation des œuvres, l'utilisation des textes et des romans porte surtout sur la mise en évidence des structures et moins sur l'aspect formel. Ce sont des très beaux films, mais enfin, c'est pas ça l'aspect le plus important. Visconti d'abord va recommencer en faisant un admirable film qui est La Terre tremble, sur les pêcheurs siciliens. Alors là, Visconti va pousser les préceptes du néoréalisme à leur extrémité, c'est-à-dire qu'il va partir pendant une année entière vivre dans un petit village de Sicile, à Aquistrezza, et partager avec son équipe entière la vie quotidienne des pêcheurs, leurs difficultés, leurs souffrances, leurs espoirs, une grève qui n'aboutira pas, qui sera réprimée violemment, le départ de certains d'entre eux, loin de la ville, loin du village, et il va filmer tout cela en étant en contact permanent avec les pêcheurs. Alors je dis que c'est poussé à l'extrême parce que finalement, il n'y a pas d'acteurs professionnels, ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui jouent leur rôle devant la caméra. Il n'y a presque pas de scénario. Le scénario est plus ou moins conçu et mis en scène par les habitants eux-mêmes. Le décor, c'est celui d'Aquistrezza, le petit village. Alors évidemment, il y a de très légères tricherie avec la réalité, mais à peine. Et Visconti va tourner des kilomètres de films pour ensuite, évidemment, les réduire aux dimensions d'un film normal. La Terre tremble est une œuvre très typique, je crois, de ce qu'est le néoréalisme italien. Cela dit, quand on le revoit aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de voir l'esthétisme de Visconti percer à travers le réalisme. Alors là, c'est notre question, on y viendra tout à l'heure. En fait, quoi qu'il fasse, chaque cinéaste est amené à peindre la réalité italienne avec tout de même son propre tempérament. Le réalisme total est impossible, mais ça, on s'en aperçoit dans tous les cinémas, quels qu'ils soient. Verga, un écrivain de la fin du siècle dernier, il a écrit ce roman, I Malavoglia, c'est, on pourrait dire, les rocons macquart, I Malavoglia, c'est une famille. Verga, en 1880-82, a écrit ce roman en employant une syntaxe qui était le miroir de la syntaxe du dialecte local. Pour les Italiens, qui n'ont pas eu beaucoup de romanciers intéressants dans leur histoire, dans leur histoire littéraire, dans le 18e, 19e siècle, il y a eu seulement Manzoni, Les Fiancés, on pourrait dire Tournai à Milan, dans un roman qui racontait une histoire milanaise du 17e siècle, donc très loin. Et puis, il y a eu seulement ce Sicilien qui s'appelait Verga. Donc, pour une littérature assez pauvre de romans, de romanciers et de bons romans, la sortie de Malavoglia a été vraiment a fait la sensation d'un coup de canon. Et au temps du fascisme, disons, tous les intellectuels qui étaient un peu contre le régime rêvaient tout le temps de recréer, de reprendre la tradition, soit dans la littérature, soit dans le cinéma, la tradition du Verga, il verghismo, comme on disait en Italie. Et en particulier, un groupe de critiques, d'intellectuels, de futurs metteurs en scène, il y avait De Santis, il y avait des politiciens comme Alicata du Parti communiste, il y avait Visconti. Et pour un certain moment, il y a eu aussi Antonioni dans ce courant qui était lié à une revue qui s'appelait Cinéma. Ils ont revendiqué l'actualité de la force de ce personnage, de la force de l'analyse sociopolitique. Visconti, qui est revenu de France, où il avait été assistant de Renoir pour deux films, il a rêvé tout de suite de tourner ce film, de tourner un grand film tiré librement de Malavoglia de Verga. Ce qui n'a été pas possible pour l'instant, parce que parler des paysans au temps du fascisme, ce n'était pas possible, sinon pour dire que les paysans étaient heureux de leur situation, qu'ils s'engageaient volontairement pour la guerre d'Éthiopie et tout ça. Il avait envisagé une chose assez importante, de faire un portrait en trois volets, trois films donc, un peu comme La naissance d'une nation, qui avait intitulé « Paysans de la Sicile, unissez-vous ». La première partie est représentée par La terre tremble, qui est une adaptation assez fidèle, avec des différences dont on parlera tout de suite, de Malavoglia de Verga. Et après, il voulait parler aussi, pas seulement des pêcheurs, de l'exploitation des pêcheurs, de la difficulté qu'a une famille, la famille Valastro, ou les Malavoglia, surnommés Malavoglia, de se créer une fortune personnelle, parce qu'ils ne peuvent pas se battre contre les grossistes qui vendent leurs produits comme ils veulent, donc ils les payent trois fois rien. Le deuxième et troisième volet du film voulait traiter aussi des paysans qui se rebellent à la mafia, un aspect qui a été vu un peu dans Salvatore Giuliano, une partie au moins de Rosy, qui a été assistant de Visconti sur La terre tremble. Et puis un troisième aspect qui était en partie traité par un autre film, des années 50, Le chemin de l'espérance de Jeremy, où la première partie se passe dans une mine, une zolfatare, une mine de soufre, qui vient arrêter, qui vient parce qu'il n'y a plus assez de produits, donc il n'y a plus assez de l'exploitant n'a plus assez d'intérêt à la tenir ouverte, donc il renvoie tout le monde. Et là, c'était l'histoire. Dans ce troisième volet, Visconti avait envisagé de raconter l'histoire d'une révolte des ouvriers, des solfatares, et pour faire une autogestion de leur propre. Donc c'était en trois volets. Malheureusement, il n'a pas pu tourner les autres deux parce qu'il a eu assez de problèmes pour tourner le premier. Et les producteurs lui ont coupé le capital, et il a eu des problèmes avec la censure aussi. Mais disons, si on pense que cette plongée de Visconti dans la tradition littéraire italienne, Visconti est un homme d'une grande culture, peut-être c'est sa qualité, même sa limite, a été fondamentale pour le cinéma italien, parce que d'accord, d'un côté, il y avait en 45, 46, 47, il y avait Rossellini qui à Rome tournait Rome ville ouverte, Paisa, etc. Il faisait de la chronique, disons, soi-disant chronique de la réalité, avec un œil assez, l'œil d'un chroniqueur, pas d'un historien, disons d'un grand journaliste, d'un journaliste, d'un envoyé spécial de grande envergure. Mais l'autre aspect le plus intéressant a été effectivement représenté par la découverte de la grande tradition réaliste du roman du XIXe siècle, Verga en particulier, et des paysans et du peuple. Vous voyez, dans les films de Rossellini, néo-réaliste, il s'agit presque tout le temps de... C'est pas des prolétaires, c'est des petits bourgeois, ou disons des aspirants petits bourgeois. Tandis que dans les films de... Dans ce film de Visconti, qui était une parenthèse pour Visconti, parce qu'un peu plus tard, Visconti, c'est un grand peintre de la décadence, disons, de l'aristocratie, et avec Sens, avec Le Guépard, avec Les Nuits Blanches, avec Goethe, Dameron, La Chute de Dieu, etc. Il s'est spécialisé dans une autre chose. Mais là, dans ce film isolé, vraiment, il a découvert un peu, avec un œil nouveau, le peuple. Les différences avec les romans. Ce qui montre que le cinéma italien a vraiment un cinéma qui n'est pas lié à la littérature. Tout c'est l'aspect, évidemment, politique, idéologique, qui a été complètement changé. Visconti, à l'époque, était marxiste, marxiste assez spécial, aristocratique marxiste en même temps. Et au lieu d'accuser, comme dans le roman... La raison de la chute de la famille Valastro au Malavoglia, c'est un peu le destin, c'est un peu le hasard. Ils font tout pour acheter un bateau, mais leur affaire ne marche pas parce qu'il y a une grande tempête, le bateau revient complètement ruiné, et donc ils doivent recommencer dès le début à travailler sous des patrons. Mais pour acheter le bateau, ils ont dû vendre leur maison, donc ce qui entraîne une chute après l'autre. Les deux jeunes garçons s'en vont de la maison, un part pour l'armée, l'autre, si je ne me trompe pas, l'autre vient tenter par la contrebande, la fille doit finir en ville. Vous voyez, c'est vraiment la chute de la maison. Tout ça était dû, un peu peut-être comme dans les romans de Balzac, par la malédiction de la fatalité, un peu dans le sens grec du terme. Il ne faut pas oublier que la Sicile, Pirandello et Verga reflètent beaucoup la mentalité grecque. Tandis que dans le film, tout est lié vraiment à l'exploitation, c'est-à-dire la chute, la raison principale de la chute de cette famille est due au fait que les grossistes imposent les prix qu'ils veulent et l'affament les gens. D'où un aspect nouveau du film par rapport au roman, une prise de conscience du protagoniste Antoine, de la lutte des classes, de la nécessité de s'unir pour faire front à l'exploitation. À la différence des adultes, les enfants éprouvent de la honte. J'aperçois dans leurs yeux une sorte de pudeur qui les irrite et les contraint à parler d'autre chose ou à fuir. Le point de départ de Chouchia serait ceci, les enfants, et seulement eux, sentent que la vie qu'ils mènent n'est pas celle qu'ils devraient vivre. Des acteurs pris dans la rue n'est jamais préconçu. Il n'est pas la conséquence d'une attitude rigide. Il y a des personnages qui ont besoin d'acteurs professionnels, mais il y en a d'autres qui ne peuvent vivre qu'à travers un visage précis, non interchangeable, qu'on ne retrouve que dans la vie réelle. Ce fut très difficile de trouver les deux garçons de Chuchia. Capellone et Chimiette ne pouvaient être les interprètes, ils étaient trop laids, presque difformes. Vittorio De Sica, c'est très spécial, il avait déjà tourné des films en Italie, avant-guerre, comme acteur. Alors, il était l'acteur de petites comédies légères, du genre Il Signor Max, Les Hommes qu'elle mufle, Le Grand Magasin. Il jouait des rôles un petit peu de à la Henri Garat, si vous voulez, pour vous donner un équivalent français, ou même, disons, à la Albert Préjean, plus exactement, chantant. Et De Sica, partie donc de l'interprétation, va rencontrer un personnage qui est très important pour l'évolution du néoréalisme, qui est Cesare Zavattini. Et avec Zavattini, ils vont décider de faire des films qui auront eux aussi un énorme impact, qui montreront eux aussi la vie italienne, la réalité italienne, et notamment les ouvriers. Alors, les films les plus importants, c'est Chiuscia, Voleur de bicyclette, Miracle à Milan et Umberto D. Alors, Voleur de bicyclette sera certainement le plus caractéristique. C'est l'histoire d'un ouvrier qui a perdu son instrument de travail, qui est sa bicyclette. Et le film va simplement raconter l'errance de cet homme et de son fils qui cherche à retrouver sa bicyclette, qui est pour lui qui est l'élément vital, l'élément enfin de son travail. Et on va les voir errer dans la ville, rencontrer des gens de toutes sortes, en essayant de reprendre pied dans la réalité. Et ne pouvant retrouver son vélo, il va en voler un. Et il va en voler un, il va être poursuivi par la police, et on le verra à la fin, malheureux, triste. Le final, d'ailleurs, est horriblement désespéré. Alors, Voleur de bicyclette, tel que je viens de le raconter, ça pourrait être un mélodrame. Ça pourrait être c'est une dramatisation qui semble pas être réaliste. Or, le film est profondément réaliste, parce que le film nous montre le décor social de cet homme, il nous montre les difficultés de la vie ouvrière, il nous montre toute une hiérarchie, toute une bureaucratie, toute une paperasserie qui fait qu'un ouvrier qui a perdu son instrument de travail ne peut pas retrouver de travail, c'est pas possible. Il y a une attaque, il y a une critique sociale extrêmement vigoureuse dans ce film. Il y a aussi la religion qui intervient, et la religion qui, en Italie, a une importance énorme et qui a tendance à être à côté, à non pas mépriser, mais être indifférente aux problèmes ouvriers. Après Voleur de bicyclette, qui a eu un succès énorme, Voleur de bicyclette interprété par un acteur non professionnel, qui était un chômeur que De Sica avait engagé le temps d'un film, et qui d'ailleurs, je crois, est redevenu chômeur après. Enfin, c'est un petit détail de l'histoire du film. L'enfant, c'est pareil. L'enfant, c'était pas un acteur. Il ne l'est jamais devenu. Tout a été tourné en extérieur naturel, dans les rues, avec des moyens techniques d'ailleurs assez précaires. Après Voleur Bicyclette, De Sica va faire Umberto D, qui sera la vie d'un vieillard. Qui vit dans un asile de vieux, enfin dans des conditions assez épouvantables, et qui est obligé d'aller mendier pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre. Et ce vieillard a un chien. Il y a un tout petit peu d'appel d'émotion, d'appel au sentimentalisme, mais c'est un film également très fort, très pur et très honnête. Alors on pourra dire que cette pensée, cette vision du monde s'oppose s'oppose au réalisme du scénario et des personnages. Moi, je ne le crois pas. Je crois, quand on revoit ces films aujourd'hui, c'est vrai, tout à l'heure je le laissais entendre, c'est vrai que chez Visconti, il y a l'extraordinaire talent de peintre de Visconti qui transparaît. Quand Visconti montre Les Pêcheurs siciliens, il ne peut pas s'empêcher de les regarder, comment dire, avec les yeux d'un peintre du Quattrocento. Et il est évident qu'on pourrait considérer Ossessione comme une sorte d'opéra réaliste. On pourrait considérer La Terre à Trême comme une sorte de grand tableau avec des recherches de style et des recherches d'esthétisme qui, en quelque sorte, enlèveraient le coefficient de réalisme qu'il voulait obtenir. Moi, je ne crois pas. Je crois que, finalement, la personnalité des cinéastes ajoute à la rigueur et à la vigueur du tableau. Dans le cas de De Sica, c'est évidemment pas du tout la même tradition. De Sica, lui, c'est un napolitain. De Sica, c'est un homme du peuple, c'est un homme très simple, mais qui a le sens de la dramatisation, qui a le sens d'un certain mélodrame. Et cette fois, j'emploie mélodrame au bon sens du terme. Quand on regarde aujourd'hui Voleur de bicyclette, quand on regarde Umberto D, c'est vrai qu'il y a l'appel à l'émotion, qu'il y a un petit côté sentimentaliste dans cette histoire d'un ouvrier qui a perdu son instrument de travail. Mais le mélodrame fait partie intégrante du réalisme, et surtout en Italie. L'Italie est la terre des contrastes, l'Italie est la terre d'une réalité vécue, d'une réalité sentie, mais c'est aussi spontanément la terre du mélodrame. Dès qu'il y a quelque chose dans une famille, dans un village, dans une bourgade, dès qu'il y a un événement qui se produit, bien, c'est aussitôt, ça devient aussitôt du mélo, ça devient aussitôt, il y a l'excès qui s'en empare, il y a la surenchère, il y a la douleur des femmes, il y a tout cela. Eh bien, Vittorio De Sica retrouve tout à fait ce courant-là, et ses films deviennent des sortes de plaintes, de complaintes, si vous voulez, sur les malheurs de l'Italie. Alors, c'est du mélodrame, si l'on veut, mais c'est du bon mélodrame, comme, je crois, est la réalité italienne. J'ai commencé à bâtir quelque chose. Et au fur et à mesure que je cherchais dans les journaux et dans les dossiers, j'ai vu que cela coïncidait avec l'histoire que moi et mon collaborateur, Raphaël La Capria, nous avions inventée sur cette petite ruelle, à côté de ce grand immeuble tout nouveau qui l'écrasait. Nous avions inventé une histoire qui était déjà dans la réalité. C'est tout à fait le contraire de Salvatore Giuliano ou de l'affaire Mattei. J'ai eu l'impression que quand vous imaginez des choses justes sur la réalité, c'est la réalité elle-même qui va confirmer si ce que vous avez inventé est juste ou pas. Vittorio De Sica tourne Le Miracle à Milan, une grande production néo-réaliste. Anna a eu le plus grand succès, son premier grand succès dans Roma Città Aperta, c'est inutile à dire. Et peut-être vous ne savez pas que ces films-là n'ont pas eu un grand succès en Italie. Le succès est venu après, c'était boomerang, ça vient de l'étranger, le grand succès des films néo-réalistes, c'est à l'étranger. L'air de bicyclette, par exemple, c'est un flop en Italie, lorsqu'il est sorti. Puis maintenant, c'est dans l'histoire. La première, ce soir-là, au cinéma Barberini, fut un événement mondain, mais ce fut surtout une bataille. D'une certaine façon, tout le filon néo-réaliste était exploité par ceux qui voyaient, dans le film de Sica, un abandon des positions de dénonciation concrète. Grand événement mondain à Rome, en présence d'Anna Magnani, d'Aldo Fabrizi, de Toto, de Massimo Girotti, de Ralph Allon et bien d'autres. Il successo è venuto poi di rimbalzo dall'estero, portando in Italia anche gli americani, che hanno, a mio avviso, volenti o nolenti, rovinato il nostro cinema, perché il giorno sono venuti gli americani a lavorare qua, hanno fatto rialzare i prezzi, si sono fatte delle produzioni che non avevano più un carattere nostro, cioè ibride. Alors on pourrait continuer ainsi, De Santis c'est la même chose, De Santis est très influencé par un cinéma narratif, par un cinéma de l'événement, par un cinéma policier, disons pour aller vite, eh bien, Chasse tragique, Riz amer, enfin tous ces films ont ce côté, un petit suspense si vous voulez, un suspense intégré dans la réalité. Rossellini, c'est peut-être le cas limite, puisque Rossellini est certainement celui qui a non seulement un regard, non seulement une idéologie, mais je dirais presque une éthique néo-réaliste. C'est Rossellini qui dit ceci, le néo-réalisme, avant d'être une esthétique, est une morale. Ce qui compte, c'est la position morale du cinéaste face à la réalité. Commencer par l'enquête, la documentation, et passer ensuite au motif dramatique, mais pour représenter les choses telles qu'elles sont, pour rester sur le terrain de l'honnêteté. Je crois que le mot est très important pour le cinéma italien et pour Rossellini. Alors ça, Rossellini est un homme qui a toute sa vie, dans tous ses films, cherché à retrouver cette honnêteté, cette simplicité, cette pureté extraordinaire, c'est-à-dire à s'effacer complètement devant le spectacle montré. Alors, les films de Rossellini sont peut-être les seuls qui arrive à la perfection du néo-réalisme, dans la mesure où les films de Rossellini se font presque tout seuls, se déroulent presque tout seuls. Lui est là et se contente d'enregistrer ce qui se passe. Rome, ville ouverte, quand on le verra dans un siècle ou deux, on se dira, c'est vraiment la réalité, c'est plus que la réalité. C'est la réalité sublimée, dépassée par le cinéma, par une sorte d'alchimie miraculeuse qui a fait que les gens ont vraiment jouer leur propre rôle, sont morts. Quand on voit Anna Magnani s'écrouler sous les balles des Allemands et le gosse qui se précipite sur le cadavre de sa mère, c'est fantastique parce qu'effectivement, il a fallu jouer, il a fallu répéter cette scène-là, il a fallu l'écrire d'abord, mais elle dégage une odeur de réalité absolument formidable. De même, Allemagne année zéro, qui est un film qui a été tourné non pas en Italie, mais à Berlin, dans les ruines de l'Allemagne, le gosse qui se suicide à la fin d'Allemagne année zéro, ça dure 10 minutes, on le voit errer dans les rues, la caméra le suit avec une rigueur étonnante. Quand on voit ce gosse qui est désespéré, qui a tué son père, qui a été endoctriné par de mauvais professeurs, qui porte sur lui littéralement tous les malheurs d'un pays à un moment donné, quand on voit ce gosse qui monte en haut d'un immeuble et qui se jette dans le vide, eh bien, on ne sait pas du cinéma, c'est vraiment la réalité totale, la réalité brute, la réalité vive. Et cela vient de, je crois, du talent prodigieux de Rossellini, que je crois être personnellement le plus grand de tous les cinéastes italiens. Le plus près du peuple, certainement. Le plus près de la sensibilité, de la spontanéité italienne. Le plus près d'une tradition culturelle, même s'il la met entre parenthèses. Le plus près aussi le plus près du cinéma, car Rossellini connaissait admirablement le cinéma et toutes ses arcanes, toutes ses ficelles. Et au-delà même de l'Italie, Rossellini, je crois, était le plus près du monde, le plus près d'une vision universelle, en partant de l'Italie, en partant de Paisa, de son pays, de sa terre, de ses sentiments. Il débouchait sur l'Europe d'abord, Europe 51, il débouchait sur le monde entier pratiquement, puisqu'il est allé aux Indes, il a tourné en France, il a tourné un peu partout dans le monde, et il a réussi ce miracle de faire un cinéma complètement universel à partir d'un milieu et d'un terroir très particulier, très particularisé. Et je crois que c'est là la réussite du cinéma italien, la réussite la plus parfaite. Partir donc du détail, de l'individuel, et déboucher sur le collectif, déboucher sur l'universel, au prix d'une exigence esthétique extraordinaire qui s'est manifestée dans d'autres films. L'uvegora ruquanno va a maremma, se crede d'essere giudice notaro, se crede d'essere giudice notaro. La coda della pecora è la penna, l'usicchio dello latte è lo calamaro, l'usicchio dello latte è lo calamaro. Je dois avouer qu'avant de nous mettre à écrire l'enterrement, nous avons pensé à une expérience plutôt cruelle. conduire un faux cortège funéraire d'un enfant à travers les rues de Naples. Les Napolitains l'auraient cru authentique et nous devions l'accompagner en regardant et en notant. Car l'information directe n'est jamais inutile, même si l'imagination doit se servir du document uniquement pour prendre son vol. Un vol dont on ne sait jamais à l'avance quelle sera la direction. Non posso più li piedi trattenere, sempre verso di te vanno venire, sempre verso di te vanno venire. Immédiatement après la guerre, le cinéma italien se trouvait évidemment à zéro. Les installations n'étaient pas détruites, l'infrastructure économique n'était pas détruite à proprement parler, mais simplement, il n'y avait pas d'électricité. Les opérateurs étaient donc obligés de travailler dans des conditions absolument incroyables avec des vieilles lampes à arc et des choses de ce genre. Et c'est dans ces conditions-là que sont apparus les premiers films qu'on a dit être néo-réalistes. Les suivants ont bénéficié au contraire de la remise en route de toutes les installations du cinéma italien. Si l'on voit les films de 48-49 du type de Rizzo Amaro, des autres films de De Santis et des premiers films de La Tuada, on s'aperçoit que en fait ils sont faits souvent avec même des moyens techniques assez considérables, emploi de grues, etc. Bon, mais ils ont cette particularité qu'ils sont souvent tournés en plein air, sur les lieux mêmes de l'action. Alors là, c'est pour des raisons qui ne sont pas seulement économiques, mais qui sont quelquefois de caractère théorique. En effet, ces metteurs en scène s'étaient formés à la fin du fascisme, donc, s'étaient formés en ayant l'accès aux grands modèles américains et même soviétiques, dont des copies semblent se sont certainement trouvées à Rome à cette époque. Ben, et les films de plein air racontant les histoires de la résistance ou de l'immédiate après-guerre, ces films-là sont faits par référence essentiellement au modèle russe qui implique le tournage en plein air et un certain nombre d'éléments lyriques dans les mouvements d'appareil, par exemple, et même jusqu'à un certain degré seulement dans le jeu des acteurs. Et l'épithète de néo-réaliste a été plaquée en quelque sorte sur ce cinéma par des théoriciens contemporains comme âge des cinéastes en question qui ont cherché à donner à tout cela une cohérence idéologique et même esthétique, là où existait en fin de compte surtout une cohérence idéologique certaine, bien sûr, mais aussi une cohérence un petit peu due au hasard. Et quand je pense au hasard, évidemment, il faut dépasser le problème économique. Disons que c'est simplement la réalité sociale de l'Italie elle-même qui imposait cette cohérence. Au sein de ce mouvement, n'est-ce pas, il y a eu, on le sait, la tendance extrême de Zavattini qui a consisté à vouloir transformer le cinéma en une sorte de journal, de journal à la mode, justement, là aussi, n'est-ce pas. Il est probable qu'il devait y avoir dans son esprit un vague souvenir de au moins de la renommée du Kino Pravda des Russes, bien qu'il n'ait certainement pas connu les films eux-mêmes, je ne pense pas. Eh bien, cette espèce de tentative qui a existé, puisqu'il y a eu même eu un numéro du journal de rêvé par Zavattini, qui est le fameux L'Amore in Città, n'est-ce pas, qui est un film à sketch, justement, bon, et puis qui était le premier et le dernier essai, n'est-ce pas, de ce soi-disant néo-réalisme absolu, qui n'avait même pas besoin d'être qualifié de néo, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait en principe, n'est-ce pas, la formule idéale de Zavattini, c'était un film d'une heure et demie racontant une heure et demie de la vie d'un homme. Mais il faut bien dire que Zavattini était beaucoup plus théoricien qu'autre chose, que lui-même était scénariste, romancier d'ailleurs au passage, puisqu'on parlait de littérature, il y a une activité de Zavattini comme romancier qui a embrayé directement sur ses activités de scénariste et de théoricien, mais il a été beaucoup plus scénariste et théoricien que réalisateur. Et le moment même, n'est-ce pas, où a fini de se constituer la doctrine néo-réaliste, avec par exemple cette théorie extrême du cinéma documentaire selon Zavattini, c'est le moment même où le cinéma néo-réaliste a cessé d'exister. La théorie a été formulée dans une très large mesure, après coup. Thank you. les actualités. Voilà le plus grand ennemi du cinéma en tant qu'art. C'est de la matière sans intérêt. Il n'est rien de plus facile que de faire jouer n'importe quel passant de la rue dans un film. Ce qui est plus compliqué, c'est de les faire sortir de l'anonymat. Rossellini et La Toada ont beaucoup de talent. Mais le cinéma aujourd'hui est dans une impasse. Il n'y a rien eu de neuf depuis 10 ans, à part Chiuccia. C'est le seul film où l'on ait su faire de l'art en partant de la réalité. Tous les autres sont très vieux, vieux comme le monde, déjà démodés. Les films italiens d'après-guerre avaient leur raison d'être sur le moment, du journalisme filmé. La situation d'après-guerre en Italie est déjà dépassée. Ils ne veulent pas tous le comprendre. Le réalisme n'a de valeur que pour un but moral ou politique. Orson Welles. Le public s'est un peu lassé de cette façon de toujours raconter les histoires donc, du peuple, des ouvriers, de la misère. L'Italie d'abord s'est redressée économiquement, un petit peu. On n'était plus dans les années 55-56, on n'était plus dans la même situation qu'en 45. Le public a voulu autre chose. Sont arrivés là-dessus des gens comme Antonioni ou Fellini, qui n'avaient pas du tout le tempérament néo-réaliste. Antonioni, c'est un Italien du Nord, c'est un Italien qui s'intéresse à des problèmes psychologiques, à des problèmes fermés un petit peu. Antonioni est un homme, c'est un écrivain. Plus qu'un cinéaste, si l'on veut. Fellini, c'est le spectacle, c'est le grand baroque italien, c'est la superproduction. Fellini nous renvoie à ce cinéma d'avant-guerre, ce cinéma muet, qu'il admire d'ailleurs beaucoup, Cabiria. C'est pas pour rien qu'il a fait un film dont l'interprète principal s'appelle Cabiria. Nous revenons au cinéma d'avant. Alors, Antonioni, Fellini, puis ensuite Pasolini, ont orienté le cinéma italien vers d'autres voies. Et il n'était plus possible de continuer à faire jouer aux gens leur propre rôle devant la caméra, puisque c'était un peu de ça qu'il s'agissait. Le non-professionnalisme, à un moment donné, cédait la place à une autre forme de cinéma, dont je ne parlerai pas, mais qui est le cinéma italien d'aujourd'hui. Un cinéma peut-être plus engagé, un cinéma plus, comment dirais-je, un cinéma plus dialectique. Pas ce cinéma spontané, ce cinéma qui se montre lui-même tel qu'était donc le cinéma des années 45-50 en Italie. Il y a d'ailleurs une expérience assez curieuse à cet égard, c'est un film qui s'appelle L'amour à la vie, La mort in città. César et Zavattini, ça a été le glas du néoréalisme. La mort in città, Zavattini, son rêve. Le rêve de Zavattini, c'était de montrer 90 minutes de la vie d'un homme dans laquelle il n'arrive rien. Ça, c'était pour Zavattini la définition du néo-réalisme. Suivre pendant 1h30, c'est la durée d'un film, un homme dans la rue, rien n'arrive. Il n'y a aucun événement, rien. Alors, il a eu l'idée de faire un film qui s'appelle Amor in Città. Il a demandé d'ailleurs à plusieurs cinéastes de l'aider. C'est un film à sketch. Et lui-même a tourné un sketch qui est très typique, qui s'appelle L'histoire de Catherine. Eh bien, l'histoire de Catherine... C'est une fille mère qui a tenté de se suicider et qui raconte son histoire devant la caméra. Or, Zavattini a eu l'idée, qui est une idée à la limite de l'impudeur, de demander à une femme à qui la chose était réellement arrivée, qui avait tenté de se suicider, et de jouer son rôle devant la caméra. Alors là, ça a été un échec, il faut bien le dire, ça a été un échec, parce que cette femme souffrait atrocement, la caméra, enfin, en racontant son histoire, elle jouait mal, si vous voulez, son propre rôle, et Zavattini, en filmant cela, n'a pas réussi à nous persuader du drame humain, du cas humain que représentait cette femme. Il aurait mieux fait, à la limite, de demander à une actrice je sais pas moi, Anna Magnani ou une autre, de jouer le rôle, ça aurait été certainement plus probant. Ça a été le glas du néo-réalisme, les gens se sont dit c'est pas possible. Pour jouer le rôle d'un ouvrier, eh ben c'est pas nécessairement un ouvrier qui le jouera le mieux. Alors j'ai l'air de me contredire, je ne me contredis pas, mais à une certaine époque, disons que ce cinéma-là a pu s'imposer. À une certaine époque, ce cinéma-là a répondu aux préoccupations et du public et des cinéastes et de la société italienne. Mais il est évident que c'est pas une règle absolue. Il est évident que le néo-réalisme ne pouvait pas continuer comme ça, on ne pouvait pas continuer à faire des films néo-réalistes tout le temps. On n'en avait pas fait avant, et bien à partir de 55-56, ça a été terminé. Le cinéma italien a adopté une autre méthode, une autre perspective. Ça vient peut-être aussi du fait que, économiquement, le cinéma est devenu autre. Il fallait faire des films en couleur, il fallait faire des films à grand spectacle. Les gens voulaient autre chose. Le cinéma français et américain avait concurrencé un petit peu le cinéma italien. Disons que l'esprit du temps avait changé. Peut-être le néo-réalisme est-il lié à une époque. Est-il lié à une politique, à une situation sociale déterminée, une situation sociale particulière. Nuit magnétique, cinéma sous les branches. Par Roland Auguet, Chantal de Béchade, Marie-France Nussbaum. Avec Claude Belli, Enrico Fulchignoni, Francesca Isidori, Gérard Legrand, Aldo Tassone, Daniel Toscan du Plantier. Texte de Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, lu par Ren Villers et Claire Viala. Demain, personnage. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 10 septembre 1980. La suite, demain, à la même heure. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.